de bonnes actions. Il s'appelait Fleming et c'était un fermier écossais pauvre. Un jour, alors qu'il était en train de travailler sa terre pour procurer à sa famille de quoi subsister, il entendit un appel à l'aide venant d'une proche tourbière. Il laissa tomber ses outils et courut vers la tourbière pour voir comment il pourrait apporter son aide. Là, il découvrit, enfoncé jusqu'à la taille dans la boue noire, un garçon terrifié qui appelait au secours en criant et en se débattant pour se libérer. Le fermier Fleming sauva ce jeune d'une mort qui aurait été lente et terrifiante. Le lendemain, le paysan écossais aperçut devant son humble demeure une grande voiture. Un homme élégamment vêtu en sortit et se présenta comme le père du garçon que le paysan Fleming avait sauvé. Il dit au paysan « Vous avez sauvé la vie de mon fils et je veux vous remercier » et lui offrit de l'argent. « Non, je ne peux pas accepter votre argent pour ce que j'ai fait », répondit le fermier. À ce moment-là, le fils du fermier sortit de la maison. « Est-ce votre fils ?» demanda l'homme. « Oui, » répondit le fermier fièrement. « Je vous fais une offre. Permettez-moi d'emmener votre fils et de lui offrir une meilleure éducation. La meilleure éducation. Si cet enfant tient de son père, il grandira pour devenir un homme dont vous pourrez être fier. » Et c'est ainsi que les choses se passèrent. Après un certain temps, le fils du fermier Fleming termina ses études à la faculté de médecine de l'hôpital Sainte-Mary à Londres et continue à être connu dans le monde entier comme Monsieur Alexander Fleming, l'homme qui a découvert la pénicilline. Des années plus tard, le fils du noble fut gravement atteint d'une pneumonie. Qu'est-ce qui le sauva? La pénicilline. Quel était le nom du noble? Lord Randolph Churchill. Quel était le nom de son fils? Sir Winston Churchill.